Épilogue. Le cœur content, je suis monté sur la montagne d'où l'on peut contempler la ville en son ampleur. Hôpital, lupanar, purgatoire, enfer, bagne, où toute énormité fleurit comme une fleur. Tu sais bien, ô Satan, patron de ma détresse, que je n'allais pas là pour répandre un vain pleur. Mais comme un vieux paillard d'une vieille maîtresse, je voulais manivrer de l'énorme catin dont le charme infernal me rajeunit sans cesse. Que tu dormes encore dans les draps du matin, lourde, obscure, enrhumée, ou que tu te pavanes dans les voiles du soir passementées d'orfin, je t'aime, ô capitale infâme. Courtisanes et bandits, tels souvent vous offrez des plaisirs que ne comprennent pas les vulgaires profanes.